بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. 14e leçon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam, ala nabina Muhammad wa ahli wa sahbihi, wa littabahum biyasani li yumidin, amma ba'd. طيب donc on va prendre aujourd'hui 27e et 28e vers. فقال رحمه الله تعالى ولا تعتقد رأي خوارج إنه مقال لمن يحواه يرضي ويفضح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. Donc, ces vers viennent pour démontrer l'égarement ou l'essentiel de l'égarement des Khawarij. Firqadal, là il va évoquer tout ce qui concerne par rapport à la foi, les deux groupes qui ont déviés dans ce sujet, qui sont les Khawarij et les Murjiya. Donc la tartagid, c'est-à-dire n'est pas pour croyance, ne crois pas. Rey, c'est l'avis, à la base. Un avis, un rey, c'est un avis, une pensée. Et l'avis, par là, le rey, mazmoum, celui qui est blâmable, qui est condamnable. Et le rey, à la base, en islam, ne doit pas devancer les textes. Comme a dit Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, قال لو كان الدين بري لكان مس أسفل الخف أولى من أعلاه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظهر خفيه. Qu'il a dit que si jamais la religion était basée sur les avis, la pensée, que le dessous des khuf aurait été plus en droit d'être essuyé que le dessus, car là-bas c'est un truc sale pour le dessus. Il a dit, mais cependant, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus. Donc ce que j'ai vu, c'est ça qui prédomine, et non pas mon avis à moi. Et que les salafs combattaient durement Ashab Rey, ceux qui suivaient leurs avis. Surtout lorsque ces avis étaient devancés sur le texte. Tu as dit, hadith authentique, eux, ils faisaient passer l'avis sur le texte. Le Rey sur le texte. Qui était connu pour cela? C'est le madhab de qui? Ashab Rey. Qui était connu pour ça? Abu Hanifa. Qui était très connu pour ça. Il était fortement blâmé pour ça. Et il s'est retrouvé dans beaucoup de sujets et comme étant marginal à cause de cela. Du fait que dans beaucoup de points, il ne suit pas le hadith. Déjà, dans le hadith, il était faible. Peu de connaissances dans le hadith. Et le peu qu'il avait, il s'est beaucoup trompé dedans. D'accord? Quand cela a été rapporté. Donc, il faisait beaucoup prédominer la vie. Ce procédé l'a amené à se retrouver dans beaucoup de situations à s'opposer au dalil, à se retrouver avec un avis contraire au dalil. Taïeb. Donc les Khawarij, c'est une madda qui vient de Khawariji, c'est le pluriel, le singulier c'est Khawariji. Khawarij c'est le pluriel qui vient de la madda Kharaja, qui veut dire sortir. Ils ont été nommés Khawarij car ils sortaient sur les hukam, sur le gouverneur, et également sur tous les musulmans. Les Khawarij sortent contre les musulmans. C'est-à-dire, ils sortent contre eux dans le fait qu'ils les rendent mécréants s'ils commettent un grand péché. Et permettent la sortie contre le gouverneur injuste. Car pour eux, celui, le gouverneur qui aura commis un grand péché, qu'est-ce qui lui arrive? Il sera mécréant. Donc ils vont sortir contre lui. Ils vont sortir contre lui. Donc le premier, le mouassas de cette firqa, le premier qui est apparu, c'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zuhwaysira et Tamimi. Il y a deux Zuhwaysira, il y en a deux. Il y en a un, c'est lui. Celui qui a dit I'adil ya Muhammad. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin, il est venu, il a dit I'adil ya Muhammad. Donc c'est le premier. Le deuxième, Zuhwaysira, c'est celui, dans le hadith de Anas, le bédouin qui a uriné dans une partie du masjid et que les gens l'ont blâmé, c'est aussi Zuhwa Yisera. Lui, c'est un Yéménite, tu crois. Donc, tu en as deux. Un, c'était un Sahabi et l'autre, un Munafiq. Il était dit que Zuhwa Yisera, celui-là, là, le Khaledji, c'est un Munafiq. Donc regarde, ce Zuhwa Yisera a commencé avec qui? Avec le prophète Mohammed. Donc s'il fait ça avec le prophète, il va le faire avec n'importe qui. Après. Si tu oses faire cela avec la meilleure des créatures et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui va t'arrêter? Personne ne va t'arrêter après ça. Ensuite, ils ont commencé à apparaître un petit peu à l'époque de Othman radhiyallahu anhu, et c'est eux qui l'ont tué. Et leur apparition complète et flagrante et claire était à l'époque de qui? De Ali radhiyallahu anhu. Ils l'ont combattu. Ali radhiyallahu anhu les a combattus. Et au final, ils l'ont tué. Ils ont tué Ali. Et donc les Khawarij, la cause de leur sortie à la base, les savants l'ont évalué comme étant Hubb al-Dunya, qu'ils aiment ce bas monde. Mais reste qu'on peut leur croire d'eux qui sont ascètes, des Ubbad, des grands dévots, ce genre de choses, ce sont des gens qui pochent pour la dunya. C'est pour ça que l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, a mis dhikr sifat al-Khawarij fi bab al-Zaka, au kitab al-Zaka. Kitab al-Zaka, comme les ulama l'ont stipulé, l'imam muslim a parlé des Khawarij dans kitab al-Zaka et non pas dans kitab al-Iman. Pourquoi? Car eux, qu'est-ce qui a causé que ce Zuhwa Yisera soit rebellé? Et Adil et Mohammed, qu'est-ce qu'ils voulaient? On part du butin. Donc ils voulaient quoi? Être dunya. Voilà. Il était rapporté un athar de Al-Hassan al-Basri, qu'il était interrogé par un homme des Khawarij, qui a dit, que dis-tu des Khawarij? D'accord? Il dit, ils sont des égarés. Il dit, comment on peut... Des Ashab dunya, des égarés. Dans le sens du athar. Il dit, comment tu dis cela alors qu'ils ont quitté leur demeure, laissé leur famille pour se retrouver dans les combats, à tel point que des lances se cassent sur eux? Et il dit que ces gens-là sont contre les gouverneurs. Il dit, est-ce que le gouverneur t'a interdit de faire la salat? Il dit non. De donner la zakat, il t'a dit non. De faire le hajj, non. Non, il t'a pas interdit cela. Il t'a privé d'une part de dunya, donc tu t'es rebellé contre lui. C'est tout. Il t'a pas empêché de faire ta religion. Même s'il est injuste, le gouverneur, il ne t'a pas empêché de faire ta religion. Juste, peut-être qu'il t'a privé des choses que tu voulais avoir, donc de là, tu t'es rebellé contre lui. Et regarde aujourd'hui, les Khawarij, c'est quoi qu'ils veulent? Ils prétendent vouloir la justice. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Les gouverneurs, ils sont riches, nous, on est pauvres, plein d'injustice dans le monde, ils ne gouvernent pas parce que Allah l'a fait descendre, et ils veulent quoi par là, eux? Une part de ce bas monde. C'est ça qu'ils veulent. D'accord? C'est ça qu'ils veulent. Tu ne verras pas des gens sortir contre un gouverneur parce qu'il est empêché de faire salat. Parce qu'il fait pas Ramadan. C'est pas le hajj, non. C'est parce qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à recevoir. Une part qu'ils estiment leur revenir, et des fois c'est vrai qu'elle leur revient. Et le gouverneur là-dessus n'a pas été juste, donc il se remet contre lui. Azam. Donc beaucoup de hadiths sur les Khawarij ont été cités. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala anhum kilab al-nar, les chiens de l'enfer. Qala anhum kilab al-nar. Ça c'est un jarh. Tamam. Ah? Kilab al-nar. Kilab al-nar. Dans un hadith, selon Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innahu yakhruju min hadha, c'est-à-dire celui qui a parlé, yadina ya Muhammad, Zuhwa Yisera, qawmun yatluna kitab Allah ratban, ma yujawizu hanajirahum. يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمية. وقال أظن قال لئن أدركتهم لقتلنهم قتل ثمود. لئن أدركتهم لقتلنهم قتل ثمود. رواه مسلم. Qu'il dit quoi? Il sortira des reins de celui-là, Zuhwa Yisera, des gens qui liront le livre d'Allah, mais leur récitation ne dépassera pas leur gorge. C'est-à-dire, ils ne vont pas comprendre le sens. Taïb. Et il dit qu'ils sortent de la religion tout comme la flèche traverse la proie. Quand une flèche elle passe, t'as vu comment elle fait? Elle traverse une proie, elle rentre, elle ressort, il n'y a rien sur elle. Même pas le sang, rien. Elle passe comme ça. D'accord? Donc lui, ils sortent de la religion. Donc là, il y a eu un khilaf par rapport à ce hadith. Est-ce que les Khawarij sont des koufars ou pas? et les sahabas ne voyaient pas leur kufr. Cependant, leur kufr, Cheikh Yahya stipulait que si on les rend mécréants, c'est pour d'autres choses. Non pas du fait qu'eux rendent mécréants les gens, mais pour d'autres choses qu'ils ont. Par exemple, dans leur akhida, ils ont que le Coran et les makhlouq. Et ça, c'est le kufr, on a dit. Tu te rappelles ? Et les khawarij, de base, voient cela. Que le Coran et les makhlouq. Donc pour cela, on les kafar. D'autres choses. Ceux qui ont cette croyance-là parmi eux. Et les khawarij de base, hein, les premiers, avaient ça comme croyance. Après, ils sont divisés en plusieurs sectes. Eux-mêmes. Naam. Et il a dit également, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hum, char katle tat adim as-sama, wa khaylu katle man kataluh. Qui sont les plus mauvais morts sous les cieux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mort, les pires sont eux. Et les meilleurs des morts sont ceux qu'eux, ils ont tués. C'est-à-dire que tu tues par Khariji, tu es parti des meilleurs des morts. Et là, quand il dit char, c'est par rapport à la Umma. Parce que les pires de la création sont qui? Sont les Kuffar. Donc là, c'est par rapport à la Umma dans la Bida, sont eux les pires. Et comme quand le Nabi sallam, قال إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Qui tue les gens de l'islam, qui délaisse les gens de l'idolâtrie. Oh, allez, confirme. Et tu regardes bien même aujourd'hui, ces gens-là, qu'il s'agit de Daesh, de Al-Qaïda, qui sont leurs petits-enfants, on va dire, des Khawarij, Al-Qaïda, où est-ce qu'on les voit, on voit leurs traces, qu'ils apparaissent? En terre d'islam. En terre d'islam, qu'ils agissent le plus. Ils tuent les musulmans le plus. D'accord? C'est là-bas. Et également parmi leurs sifat, que les Khawarij, quand est-ce qu'ils apparaissent? Dès qu'il y a un khilaf entre les musulmans, hop, ils apparaissent. Il y a une fitna, hop, ils apparaissent. Et cette fitna, il l'allume encore plus. Donc les Khawarij, eux, voient que le fait de commettre un grand péché, cela entache, ma'adha, os l'imen. Et Moutlok al-Iman. La base de la foi est entachée par un grand péché, pour eux, ça l'annule. Donc ils ont exagéré dans ce côté-là. Ils ont du roulou ce côté-là. Et ils ne voient pas, ils voient que comment dire, il n'y a pas de chafa'a pour les Rossa, ceux qui ont commis de grands péchés. Et que ceux qui sont dans le feu, eux et les Mourtazila, ils disent que ceux qui sont dans le feu n'en sortira jamais. La chafa'a des Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qu'on a pris pour les gens du feu qui les en sortent, eux, ils la renient. Ils n'y croient pas. Car ils ont des ta'wilat fasida dans certains versets. Mais comme on le dit là, c'est une mourage à simplifier, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Là, juste on parle de la base. Après, pour tout ce qui est à l'ordre de leur choubouette, ce genre de choses, dans d'autres koutoubes. De toute façon, généralement, tous les koutoubes de Aqidah parlent des Khawarij. Mourjiya ou Khawarij, ils sont cités. Donc, ça, c'était le verset. Le 27e vers. Wala ta'taqid ray Khawariji innahu makarun liman yahwaou yardi wa yufdahu. Que n'est pas pour croyance la vie des Khawarij, car certes, il est une parole pour les gens qui ont des passions et une croyance déficiente et qu'ils dévoilent. C'est-à-dire, cette pensée te dévoile. Aux des gens, elle te dévoile. Non. Ensuite, dans le 28e vers, il dit Walataku murjiyan la'uban bidinihi. Alla innamal murji bidin yamzahu. Walataku murjiyan la'uban bidinihi. Alla innamal murjiyu bidini bidini yamzahu. La taku, ne sois pas. Mourjiyan, un mourji. La'uban bidinihi. La'ub, siyat mbala, de la'iba, qui joue avec la religion. Il joue avec la religion. N'est-ce pas que le mourji ne fait que jouer? Yamzah, à la base, mazaha yamzahu, c'est plaisanté. C'est plaisanté. Que le mourji ne fait que jouer avec la religion. Il joue. Pourquoi cela va venir? Car le mourji, à la base, est l'irja. Voyez, ma'na l'uratan est ta'khir. Le fait de retarder une chose, de la mettre en attente. Car fi qawlihi ta'ala, qawlu arjihi wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Lorsque les notables de Fil'aun, ils ont dit quoi à Fil'aun? Ils l'ont dit, hein, retarde-le, lui et son frère, c'est-à-dire Moussa et Haroun, et envoie des rassembleurs dans la ville. Qui vont rassembler qui? les gens pour ce qu'il va y avoir comme rencontre avec les sorciers. C'est-à-dire quoi ? Laisse Moussa et son frère, retardez-les, mets-les en attente, et on voit des gens qui vont renseigner les gens dans les villes. Comme ça, il y aura l'affrontement entre eux et les sorciers devant tout le monde. Donc là, il a dit quoi ? Arji. Yeb et min. Arja yurji. Arji, retardez-les. Quand même ? Enfin, le mazdar, c'est irja. Donc pourquoi les Murjia ont-ils été nommés de la sorte ? Car eux, ils sortent, ils retardent, on va dire, ils sortent les actes de la foi. Ils sortent les actes de la foi. C'est pour ça qu'on dit qu'ils jouent, ces gens-là. Car eux, pour eux, quoi que tu fasses, du moment où tu as prononcé la shahada que tu reprends dans ton cœur, tu es un croyant, une croyance parfaite. Al-Iman al-Mutlaq. C'est-à-dire que ta foi est comme celle de Abu Bakr Siddiq, ou celle de Jibril. Quoi que tu fasses, pour eux, la foi ni ne monte, ni ne descend. Quoi que tu fasses, tu peux voler, tu peux faire zina, boire de l'alcool, faire des grands péchés à tout va, cela n'entache rien ta foi. Elle reste parfaite comme le plus grand des croyants, le plus grand des pieux. Ça, c'est joué. Car ça mène les gens à faire quoi ? Quoi que tu... Ah, ça apporte à tous les mots. Fais ce que tu veux. À partir du moment où tu dis que tu crois, c'est bon. Ça fait un peu comme les chrétiens. C'est quoi les chrétiens comme croyance ? Si tu crois que ce qu'ils appellent Jésus est mort sur la croix pour expier les fautes des hommes, et fais ce que tu veux, tu es un chrétien, tu es un croyant. Naam. Que tu crois que Jésus est envoyé pour expier les fautes des hommes, que son crucifix, le fait qu'il ait été tué, c'est une expiation pour tous les péchés. Si tu crois en cela, tu es un chrétien, quoi que tu aies fait par la suite. Chez eux, il n'y a pas de takfir. Dans la masse actuelle, on va dire. Maintenant, les premiers, c'est pas comme ça. Maintenant, c'est ça leur croyance. Qu'il a été envoyé pour expier les péchés du monde. Il fallait qu'une âme pure, qui n'était entachée de aucun péché, soit sacrifiée pour remplacer les péchés du monde. Et c'est qui ? Jésus, fils de Dieu. Ou Jésus, Dieu. Comme avec leur embrouille qu'ils ont, leur confusion dans leur croyance. Voilà, Zubillah. Donc les Murji'a se divisent. Awalen, chez les gens de la Sunna, c'est quoi l'Iman ? Wa i'tiqad bil kalb, croyance du cœur. Qawlun bil lisan, une parole de la langue. Wa amal bil jawarih, des actes, des œuvres, des membres. Et des fois on dit Qawl wa amal. Quand on dit Amel, on veut dire quoi ? Les actes du cœur et des membres. Ça englobe les deux. Des fois, tu vas entendre Qol ou Amel. Quand on dit Amel, c'est les actes du cœur, la croyance, les actes des membres. Ça englobe les deux. Taïeb. Donc les Murji'a sont de quatre sortes. Les premiers et les pires sont les Jahmiya, qui eux disent que la foi, c'est la simple reconnaissance du cœur. Même si tu ne le reconnais pas. À partir du moment, même si tu n'y crois pas, je veux dire, que tu le reconnaisses, cela fait de toi un croyant. Donc en suivant ce madhab, qui rentre dans la foi ? Firaoun. Firaoun pourrait être un croyant. Quand même, Firaoun. Oh, Alexandre. Iblis. Donc cette croyance-là est du kufr. Deuxième catégorie, Al-Asha'ira. Ils disent quoi ? Que la foi, c'est juste une croyance dans le cœur, avec l'acceptation. Bon, allez, ça. Sans le prononcer. Et sans faire d'œuvre. Eux, par exemple, pour eux, Abu Talib serait un croyant. Ou i'tiqad bil qalb faqat. Le fait d'avoir la croyance dans le cœur, sans le prononcer, ni agir. Troisième, Al-Kalamiya. Eux, pour eux, la foi, c'est le fait de le prononcer, même si tu ne le crois pas. Que tu aies prononcé la shahada, que tu prétendre être un croyant, quoi que tu fasses, même si tu n'y crois pas, c'est toi un croyant. Qui rentre dans la foi avec eux ? Munafiqoun. Pour eux, les munafiqoun sont les croyants. Car les munafiqoun, ils ont prononcé la shahada. Et les quatrièmes, qui sont les moins de moindre mal, qui sont quand même dans un égarement, c'est les murjia, al-hanafiya. Les Hassan de Abu Hanifa. On les appelle Fukuhal Murjia. Murjia Fukuha. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Que la foi, c'est une croyance dans le cœur et une prononciation de la langue. Même si tu ne fais pas d'œuvre. Que tu aies comme croyance dans le cœur, que tu acceptes, que tu y crois, que tu le reconnaisses, que tu le prononces, cela suffit pour eux pour faire de toi un croyant. Même si tu ne fais rien du tout comme acte. Ce qui nous fait rentrer dans l'islam, c'est ce qu'on appelle quoi aujourd'hui, la mode musulman non pratiquant, par exemple. Et bien entendu, les actes sont partie de la foi. Ceux qui disent ces actes, c'est un kafir. On peut se dire, ce qu'il veut, c'est un kafir. Adam. Ma foum hada. Faqal. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح هذا. Et pour plus de détails dans des kutub qui sont plus approfondis, inchallah, si Allah nous facilite, on dira ça. Là c'est juste simplifié, وجيز بدون تفصيل كبير. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.